Vous écoutez un balado du théâtre pour pas être tout seul, en collaboration avec le théâtre Premier Acte et CKRL. Pour une expérience optimale, nous vous suggérons le port d'un casque audio. Bonne écoute. Mon arrière-arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Toi, t'étais à un accident. T'arrives-tu, Joe? Oui, oui, t'as peu, ça sera pas long. La nuit, une grande table en tout est enfant. Mais pite-toi, hey, c'est pas les portes de grange? Si tu parles comme ton père. J'ai pas le choix, c'est son char. J'entends sa voix quand tu fermes sa porte comme un potelance. Ok, ok, c'est beau, là. Hey, j'espère juste que la petite voix va pas nous suivre jusqu'à Robertval parce que ça va être long. Ouais, ben une fois sorti d'Alma, elle l'entendrait plus, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est la photo de mon arrière-grand-mère. Ok, t'es obligé de la mettre dans le rétroviseur? C'est quoi, t'as pas confiance en mes talents de pilote? T'as besoin de sainte... je sais pas quoi pour pas qu'on fasse d'accident? Hey, c'est ma mère qui a trouvé sa photo dans son album de quand elle était petite. Okay. Ouais, t'es quand même chic, ça, pour une arrière-grand-mère indienne. On n'est même pas sûr que c'était elle, la mère indienne. Ah, il est mieux de l'avoir été pour vrai, parce que moi, je me taperais pas le bus 4 fois par jour, rendu à Québec, on a besoin d'un char, là. Ouais, on verra bien, là. Mon cousin va nous le dire, si je peux l'avoir notre carte de métis ou pas, là. Ouais. Ouais, je te l'ai dit, le rabais, je sais pas comment ça marche. Ouais, on verra dans le chez-eux, là. Ah ouais, on décrit ça avant que ta mère nous sorte d'autres photos de vieilles personnes, puis des conseils de sécurité. Ouais, trop tard, elle sort de sa galerie. Ah. Tu diras à ton cousin, si jamais il veut venir, là, il y a juste à me voir. J'espère que ouais, ouais, on va conduire juste de nuit, Céline. Qu'est-ce que tu dis, mon beau David? Mais là, ça fait juste 3 jours, ma plus. Ça s'arrête jamais, hein? Ouais. Je vous aime aussi, Céline. Puis vous allez devoir vous trouver un appartement. Ah oui, c'est ça, on va rouler tout le long à 140. Là. Moi, ça me fait pas peur par toutes les polices. Ok, ok, arrête de niaiser puis démarre. C'est vrai qu'il y a pas mal de polices. Ok, dis au moins bye à ta mère. Hey, démarre, ben non, je t'en crisse une sur l'épaule. Ok, à vos ordres, monsieur Joe. Bye bye, Céline, là, on t'aime! Ouais, ouais! D'autres plus! Bye, là! Bye-bye! Arrière-grand-mère, elle a perdu toutes ses dents. Ton arrière-grand-mère est ta chic sans sacrement. Et pis ta grand-mère m'a mis sur son testament. Pis ta mère, je couche avec pendant que toi, tu te laves les dents. Ce chemin-là, la 169, c'est à gauche. Un road trip, c'est pas un road trip si on prend pas une petite route. Inquiète-toi pas, on va se rendre pareil. Yeah. C'est-tu pas beau un peu? C'est pareil que chez nous, on dirait que c'est les mêmes arbres. Ouais, mais on les a jamais vus ceux-là, ok? Hey. Pour moi, ça doit être un raccourci vers Robertval. Ah, quoi c'est un raccourci? Attention là, tu vas se cramper en peinture. Wouh! C'est ça l'aventure, mon homme! Pas gagne de sortir la tête par la fenêtre. Ah ouais? Wouh! Oh, man! Avaler des mouches! Ah, ça nous arrivera pas à Québec, certains. Je pense pas qu'ils ont bien de la mouche rendue là-bas. C'est-tu que j'ai hâte qu'on s'installe là, toi pis moi, là? On va être des rois, je te jure. Un gros appart sur la vue avec le château de Frontenac. Hey, comme toi, le château. Hey, ralentis, j'ai pas goût qu'on se ramasse dans le clos. Hey, ça va faire, là, mon oncle. On est en road trip, le dernier avant l'uni, pis toi, tu fais juste chialer. Arrête ou bien, je te laisse sur le bord du chemin, si tu veux. Ok, c'est beau, là. J'ai compris, là. Tu vas avoir un gros appart avec la vue sur le château de Frontenac. On va avoir. Pis, si tu fais bien ça en char, je vais te laisser choisir la plus grande chambre. Mets-nous une toune. Tu l'as même pas encore trouvé, l'appart. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est bon, je vais avoir la plus grande chambre. Quelle toune tu veux? Hey, c'est quoi ça? Arrête-toi. Appelle ton père. T'as peur, hein? Je vais regarder le moteur. C'est peut-être juste le... Ta gueule avec le moteur, là. Tu connais rien au char. Appelle ton père. Toi, tu connais rien. Donne-moi ton sel. Mais pourquoi tu prends pas le tien? Donne. Tiens. Merci. Pourquoi tu mets dans ta poche? Appelle ton père, j'ai pas le goût de passer la journée ici. C'est une aventure, notre affaire. Puis ce genre d'affaire-là, ben ça arrive dans les aventures. On n'appellera pas mon père, hein? Hey, on va s'organiser, tu vas voir. Puis toi, tu vas revoir ton sel quand on va rentrer. Fais-moi confiance, je te connais, c'est mieux de même. Va nous chercher une bière dans le coffre, on va chiller un peu ici. Regarde comme c'est beau. Calisse, David, tu peux pas juste me redonner mon sel? On est sauvés, mon homme. Je vais aller voir le gars, puis je vais nous arranger ça. Tabarnak. Ouais, le char est comme arrêté. Ça a fait un gros bruit, puis... David? Gamache. Joe! Gamache? Joe? Oui? Allô? Belle chance sur le neutre. Gamache va nous tirer jusqu'à chez N.C. Chum, qui a un petit garage. Je sais pas comment le mettre sur le neutre. Oh, je vais le faire. Quoi, la photo sur le miroir? Ben, c'est rien, là, c'est ma famille. Bon, ben, s'attacher, on y va-tu, là, monsieur Gamache? Je monte avec vous, OK? OK, monte dans le pick-up. Joe, arrange-toi juste pour garder les roues droites. Ça va être beau. Vu que ce sera pas long, c'est à 5 minutes. Au moins, c'est ta sainte indienne derrière grand-mère qui nous a porté chance. T'as bien fait de l'amener. Ferme donc ta gueule! Vous alliez à Roberval? Voir mon cousin. Drôle de chemin. Ça a l'air qu'on fait un road trip. Devra faire attention, c'est pas fait pour les chemins de terre, ce char-là. Mais c'est pas mon char. Ben, c'est pas à toi, la photo sur le miroir. Oui, mais c'est pour mon cousin, là. J'ai besoin d'informations sur mon arrière-grand-mère. 450$! 450! 450, Joe! Là, pour le char? Non, pour ta mère. Oui, pour le char. Là, on fait quoi? T'as-tu 450$? J'ai-tu l'air d'avoir 450$, c'est-tu? Hey, vous êtes certain qu'il est correct, votre ami, M. Gamache, parce que moi, là, je sais pas, là, 450$ pour je sais pas quoi qui tape dans le machin de mon cul. Voyons donc, là. Si c'est ça qu'il t'a dit, moi, je le crois. Si tu veux, je peux vous ramener sur le bord du chemin. Il va sûrement passer quelqu'un d'ici un jour ou deux. C'est pas ça, je voulais pas dire que votre ami... C'est... En tout cas, on n'a pas ça, cet argent-là. Là. Appelle ton père. Hey, je t'ai dit que c'était ça, le trip. M. Gamache, pensez que tu peux faire de quoi pour nous autres? Hey, je sais pas, là, on est capable de faire plein de trucs, là, bûcher du bois, quelque chose. Je peux peut-être arranger de quoi, là, il m'en doit une. N'importe quoi. OK, j'ai pas mal de jobs à faire chez nous, puis j'ai mal dans le dos, je peux pas forcer. Mais vous allez travailler pour vrai, par exemple. Hey, sans problème, M. Gamache, mais vous devez fournir un litre pour Joe puis moi, puis la bouffe aussi. Y'a pas de problème. Puis y'a rien de sexuel non plus, tu crois? T'es un drôle de numéro, toi. Je sais pas si je te trouve drôle. Ah oh, ben, si je devrais t'en crisser une. Même affaire pour moi. OK, c'est beau, là, vous deux. Fac. On a-tu un deal? C'est un deal. Laissez-moi juste le temps de régler ça avec mon chum. Voyons donc, toi. Je vais pas aller chez lui. On va finir dans un bain de glace avec un rein en moins. Hey, fais-moi confiance. Au pire, on est deux contre un puis il a mal au dos. Là, c'est pas mal plus lui qui devrait avoir peur de nous autres. C'est correct. Montez dans le char... Le vôtre va être prêt demain dans l'avant-midi. L'aventure, mon homme! OK, prends mon sac dans le champ, s'il te plaît. Wouhou! Vous venez d'entendre le premier épisode du balado Haut du Lac de Vincent Nolin-Bouchard. Avec Samuel Corbeil, Marco Poulain et Vincent Nolin-Bouchard. À la réalisation, Lucie M. Constantino, une musique originale de Sarah-Anne Arsenault et Dylan Hatcher, au montage sonore, Yves Dubois. Merci à la Caisse des Jardins de Québec, à Première Ovation ainsi qu'à Hydro-Québec.